Et c'est la deuxième partie de ce Rocket Live from the Elsass du 1er juin 2009. Et il est 17h45 ici localement, 17h46 même. Et cette émission est publiée pour la première partie et également pour la deuxième que vous écoutez là, toujours sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Donc le dernier titre que l'on avait écouté c'était Petite Pomme par le groupe Eva est morte. Et on passe maintenant, on revient justement un petit peu à ce qu'il y avait tout à l'heure, The Street par Lord Eric Haugen. Alors The Street, donc la rue qui est un espace de circulation dans la ville qui dessert les logements et les lieux d'activité économique, qui met en relation et structure les différents quartiers et qui s'inscrit de ce fait dans un réseau de voies à l'échelle de la ville. Au niveau local, c'est aussi un espace de sociabilité, de rencontres et d'échanges, notamment par les commerces. Enfin, par le biais de la manifestation, la rue peut devenir un lieu de contestation et on l'a bien vu récemment avec la loi Hadopi. C'est donc potentiellement un espace politique, particulièrement dans les quartiers centraux. La rue se distingue des autres voies urbaines, comme les allées, les cours ou les boulevards et avenues, par sa relative faible largeur, notamment par l'absence de contre-allées. Une rue particulièrement étroite peut être qualifiée de ruelle. Une rue qui ne possède qu'un point d'entrée est une impasse ou un cul-de-sac. Et là où les voies permettant d'accéder à l'entrée d'une rue sont si étonnantes, là où les voies situées à l'autre extrémité de la rue sont les aboutissants. Il peut y avoir une séparation des flux de circulation par les types d'usagers, trottoir pour les piétons ou une rue dédiée qui est une rue piétonne, aménagement cyclable pour les vélos, chaussée pour les véhicules motorisés, éventuellement scindée en voies réservées aux bus et voies non réservées, et rail pour le tramway. Donc The Street, pour revenir à la... Donc par Lord Eric Haugen, ça vient donc de la... comment que ça s'appelle de nouveau, on le trouve sur Poly Holiday, sinon bon c'était également, ça vient de LegalTorrent.com, voilà j'essaie de retrouver, on trouve également sur idisc.mac.com, c'est l'album Somasex Dream sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Well, I can make it hot, better show me what you got. Thank you. Lord Eric Haugen, The Street, qui vient donc de LegalTorrents.com et que l'on trouve également sur polyholiday.com, placé dans la corbeille, voilà, puisque je n'ai plus besoin d'avoir deux fichiers. Ça, c'était le fichier spécial Radio Edit avec un traitement optimisé pour la diffusion. C'est pour ça que ça passe dans la corbeille. Mais je garde la chanson optimisée pour la diffusion chez moi à la maison, qui n'a pas le même, tout à fait le même son. Pour revenir, je sors un petit peu de ma cuisine et je vous avais tout à l'heure parlé du Dogmazine et de la compilation de soutien dogmasique LA 2013. Je vais peut-être quand même en parler plus qu'en donnant simplement le titre du blog. C'est une compilation de soutien à Dogmazic réalisée par l'association Tenia Solium en avril 2009. Donc une compilation de soutien au site dogmazic.net et puis aussi à l'association Musique Libre. Donc il ne s'agit pas d'une compilation en MP3 ou en compact disque, mais en cassette 13 titres qui est tirée à 300 exemplaires avec une pochette sérigraphiée et un livret diffusé à prix libre. Les bénéfices iront soutenir Dogmazic, donc qui est le site de téléchargement gratuit et légal de musique placé sous licence ouverte, copyleft, et d'ailleurs c'est là où cette émission est en train d'être diffusée lorsque c'est en direct. Donc c'est une cassette qui est disponible auprès des groupes dans différentes distributions et envoyer un peu d'argent et un mot gentil d'ailleurs aussi à leur adresse. Faut pas oublier le mot gentil. Donc si vous voulez la diffuser, faut les contacter. La compilation se trouve sur la page disque avec plus de détails. Ben, on a le temps des mobilettes de Laws of Destiny, Durmer, Kien Lamato à Lulu, Sex Drugs et Remedigo Kai Gomai, Fast Arbites Baby Necromancy, Revengers, une Injed, et puis sur la face B il y a Stanok Rock'n'Roll, Noshanksa, Parpin, Scarb, Edward, Marilyn Rambo et les Louise Mitchells. Donc les licences peuvent être, il y a différentes licences que l'on peut consulter également sur le site ou bien alors sur le Dogmazine. Alors donc depuis que l'association Tenaciolum édite des disques, ils ont toujours cherché à subvertir les règles du commerce. Donc comment faire circuler des objets qui ne sont pas des marchandises et qui ont tenté de plusieurs manières, compilation gratuite, disque à prix libre, et aucun disque n'est soumis au copyright classique, donc la musique est faite pour circuler. C'est donc logiquement que tous les morceaux des disques sont en téléchargement gratuit sur teniasolium.net et dogmazic.net. C'est légal, c'est gratuit, c'est associatif, c'est militant. Le téléchargement sur Dogmazic, c'est une bonne alternative au réseau social et commercial, surtout mon pauvre lieu. Mais il ne se considère pas comme un net label. L'existence d'objets physiques qu'on peut prêter, donner ou perdre, c'est très important pour eux. Et ils prennent un grand plaisir à fabriquer eux-mêmes des pochettes et en mettant de l'encre sur les doigts, etc. À donner des copies des disques à des amis, à des inconnus. Le numérique permet la copie à l'infini sans perdre de qualité, mais l'aspect d'abondance du téléchargement est plein d'effets pervers. Donc le vinyle que la grande sœur a offert à 12 ans, on s'en souvient tous, alors qu'un MP3 parmi 25 000 autres est vite oublié. Donc les cadeaux dématérialisés qui sont copiés en un quart de seconde ont moins de valeur qu'un bon vieux bout de plastique et de carton emballé dans du papier cadeau à fleurs. Sans parler que l'image idyllique qui présente Internet comme synonyme de liberté, à moins que, bon ça dépend, mais il y en a aussi qui présentent ça comme une jungle sans foi ni loi. Mais en général, ils ont l'air assez incompétents d'ailleurs quand ils en parlent. Le téléchargement... de toute la production artistique, c'est un réseau qui est farci avec de la publicité, Big Brother qui regarde aussi ce qui se passe, la richesse qui a d'exister sur simple caprice, disque dur qui meurt et pouf, 15 gigas de musique qui disparaissent. Alors bon ben les vinyles, les cassettes et les disques, ça reste. C'est pour ça que selon toujours ce blog, ils sont un peu méfiants vis-à-vis de la dématérialisation de la musique, mais ils sont sur Dogmazic. Donc une bonne cassette vieille analogique, prix libre, ben oui. Alors bon ben sinon je vous invite à regarder donc sur le site alors http://blog.dogmazic.net/2009/05 LA-2013-1-compilation-2-soutien-a-dogmazic, tout ça uniquement en minuscules, sans accent. Et vous aurez accès au papier complet. En attendant, c'est My Hope, mon espoir de Glug. Donc qui est sous licence art libre et qui vient non pas de Dogmazic mais de Boxson.net qui est l'autre site associatif de musique libre. Donc Glug qui a également ben non qui a une page simplement sur Boxson qui a pas de site web apparemment. Donc que je vais donc vous envoyer là, je vais vous balancer ça sur le dans les oreilles, tout simplement. Thank you. Glug qui diffuse sous licence art libre son My Hope. Alors la licence art libre, je vais quand même un petit peu résumer aussi de quoi il s'agit. Ben, vous pouvez diffuser, publier, distribuer comme vous voulez, sous la même forme ou sous une forme modifiée. Y compris commercialement, mais en gardant toujours la licence art libre, c'est-à-dire que le public est autorisé lui-même à diffuser, etc., etc. De la même manière, ce n'est pas une licence exclusive, c'est tout le monde qui peut le faire. Et donc ça c'est un petit peu le résumé, mais évidemment bon, en tapant un petit peu sur un moteur de recherche, normalement vous pouvez trouver le contrat complet, le comment que ça s'appelle, donc la licence, hein, le texte légal entier. C'est déjà pas facile, de quoi s'agit-il, qu'est-ce qui n'est déjà pas facile? Il s'agit en fait là du titre du morceau suivant, c'est déjà pas facile, par composé par Matthias Vogel le 10 octobre 2002 et publié le 2 mai 2007 sur dogmazic.net. Il s'agit du groupe French Garage qui publie sous licence Creative Commons by 2.0 pour ce titre. Creative Commons by 2.0, ça veut dire qu'on peut, c'est quasiment du domaine public, à part que bon là il faut quand même informer que c'est sous cette licence. Ne faites pas comme un journal américain où j'avais trouvé en fait Au clair de la lune, enregistré en 1860. Je regardais un peu le truc, apparemment c'était eux qui avaient l'air d'être les détenteurs des droits. Faux, archi faux. C'était diffusé par First Sounds Records.org sous licence Creative Commons by 2.0, la même, et donc le journal en question aurait dû le préciser. On peut diffuser comme on veut, commercialement ou non, sous une forme modifiée ou non, et éventuellement en faire une œuvre dérivée. Et dans ce cas, on est sous une forme modifiée, on n'est pas obligé d'utiliser la même licence pour le résultat modifié. Par contre, il faut quand même informer que l'original est sous licence Creative Commons by 2.0 et aider à le retrouver, donc comme je vous l'ai fait là à l'instant, en vous donnant l'adresse www.dogmazic.net/French Garage, site, donc séparé par un underscore, hein, le souligné qui se trouve en dessous du 8, le tiret qui se trouve mais en dessous de la ligne, et tout en minuscule. Donc French Garage, c'est déjà pas facile. We'll be right back. C'est déjà pas facile, qu'on va faire suivre tout de suite par la suite, c'est-à-dire C plus Tot York, donc qui a été improvisé par Shang Xian le 10 octobre 1010, paraît-il. Date un peu fantaisiste qui a été mise dessus. Il n'y a pas que les noms de style qui sont fantaisistes pour ceux qui suivent ce qui se passe sur le forum. Hein. Donc j'explique un petit peu sur justement cette histoire de style. Les groupes vont parfois classent parfois les choses dans continent fantine ou dans fanfare, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et quand il s'agit d'utiliser la musique qui est disponible sur les bornes automatiques dans une médiathèque, eh bien ça ne correspond pas. Donc il y a une équipe qui se forme, une petite équipe qui va écumer toute l'archive dogmasique. Alors l'archive dogmasique, attention, c'est beaucoup de choses que je retrouve un peu. Il y a 33 000 chansons à reclasser dans le bon style, donc un sacré chantier. Selon la PDCM4 ou un nom comme ça, enfin bon, une base de données, donc un système de classement qui est propre aux médiathèques pour ce genre de choses. Mais bon, évitez de faire ce genre de choses parce que ça peut être drôle une fois et encore, mais il vaut mieux classer les choses dans le bon style directement. Donc c'est plus Tot York, qu'en revanche, c'est bien du rock. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ben la licence. Shang Xian, ça s'écrit Shangxian. Vous trouvez ça sur un MySpace avec ça. Vous faites myspace.com/Shang Xian, comme je viens de vous l'épeler. Ou bien alors, encore beaucoup mieux, dogmasic.net, www.dogmasic.net/Shang Xian, pareil, tel que je viens de vous l'épeler, sans aucune majuscule dans le tas. Et ça a été mis en ligne le 15 mars 2008, c'est sous une licence Creative Commons by NC 2.0. Alors ça veut dire quoi, by NC 2.0? Vous pouvez diffuser le morceau dans un cadre non commercial, vous pouvez sinon le modifier, mais si vous le modifiez en revanche, vous n'êtes plus tenu par les termes de la licence pour la version modifiée, sinon que vous devez quand même permettre de faire savoir que c'est une version modifiée, et que l'original se trouve sous cette licence à tel endroit. Donc évidemment, il faut toujours citer, d'ailleurs c'est dans la législation, on ne peut pas s'en passer, même pour ce qui appartient au domaine public, faut toujours citer le nom de l'auteur, ça c'est une obligation légale, même si la licence le rappelle, ce qui d'ailleurs n'est pas une mauvaise chose que de rappeler la loi. C'est plus Tot York par Shang Xian, avec ses élucubrations à la guitare électrique. Thank you. Et on reste encore dans le rock avec quelqu'un qu'il ne faut pas confondre, bien qu'au début, j'avais eu tendance à confondre les deux noms. Ils font tous les deux du rock, mais c'est pas la même personne du tout. Sao Shia NT. Alors, je vous épelle le truc, le 2, mais qui se trouve tout en haut du clavier, tout en haut à gauche, le 2 en supérieur, au carré, quoi. S-A-O-S-H-I. YA, un espace, NT, et puis de nouveau ce 2 là, ce carré. Ce qui se traduit par www.dogmasic.net/sup2saoshya underscore NTSUP2. Ça c'est un petit peu le truc un peu compliqué. Le mieux c'est d'aller sur le forum tout simplement pour retrouver le lien, ou bien alors si vous avez téléchargé ça par Imule ou le BitTorrent, vous avez, ou bien si vous l'avez de archive.org, ben d'avoir la page HTML avec, et d'aller jeter un coup d'œil sur cette page HTML, parce que là vous avez le lien direct, vous n'avez même pas besoin de le taper. Donc ça a été inscrit le 7 mai 2008, ça s'appelle Latex en camisole, le démo final, qui est un morceau qui est de sa composition, qui est d'ailleurs assez court, sous licence Creative Commons by SA 2.5. Alors vous avez le droit de, vous devez obligatoirement citer le nom de l'auteur, c'est valable pour tous les morceaux d'ailleurs, hein, tous les morceaux de musique, sans exception. Et vous pouvez le diffuser dans un cadre non commercial ou commercial au choix, tel quel ou bien modifié, mais ça doit toujours rester sous cette licence Creative Commons by SA 2.5, et vous devez en informer le public que c'est sous cette licence. Latex en camisole par Sao Shia NT. Dans une cage, ma raison ne croule pas sous sa réserve miraculée d'outre terre. Je m'enfuis à tire-d'aile. Vortex et latex en camisole par Sao Shia NT. Et je vous informe juste que cette émission, donc cette deuxième partie, d'ailleurs tout l'ensemble, c'est sous licence Creative Commons by NC 2.0. Ainsi que la troisième partie qui va suivre juste après. En attendant, ben ici vous avez donc en fond sonore, d'ailleurs je rappelle, ANY de donc Acid New Year de Dodécaèdre, qui nous sert aussi de générique. Et vous cherchez en fait triturer, mélanger, servir sur le site Dogmasic, et vous trouvez différents morceaux d'environ 2 minutes. qui sont candidats à être remixés pour faire de nouveaux génériques à partir de ça. Vous triturez le truc, vous le mélangez avec vos propres ingrédients, vous le servez, vous me faites connaître votre création. Attention, pas de truc copyrighté parce que sinon on n'a pas le droit de le passer. D'ailleurs vous-même, vous n'avez pas le droit de le diffuser si vous n'avez pas reçu les autorisations des ayants droit. C'est pas parce qu'on fait de la musique libre qu'on va soutenir par exemple le combat de certains trucs genre The Pirate Bay qui veut qu'on puisse rediffuser tout et n'importe quoi, n'importe comment. Les licences donnent un cadre légal, donc justement pour respecter les droits des ayants droit. Alors je vous laisse donc en compagnie de ce générique ANY par Dodécaèdre. C'est toujours le Rocket Live from the Elsass du 1er juin 2009. It is nothing serious.